cours numéro 35. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fantahayna wa lillahi alhamd fi darsina al-akhir min dirasati sharh asma'illah azza wa jalla al-husna lil-allama al-shaykh عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه واستفدنا كثيرا بحمد الله عز وجل. On a fini l'étude ensemble de l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala de Cheikh Saadi رحمه الله. Et on a profité ولله الحمد. وفي هذا الدرس on va compléter certaines choses ونسأل الله عز وجل التوفيق. فهذا العلم علم معرفة الله سبحانه وتعالى أعظم العلوم أهم العلوم. C'est la science la plus importante de connaître Allah سبحانه وتعالى الخالق عز وجل. ابن القيم رحمة الله عليه في مختصر الصواعق المرسلة قال لا سعادة للعباد ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون هو وحده غاية مطلوبهم. تأمل هذا الكلام الجميل. فلا سعادة ولا صلاح. أي celui qui veut réussir, celui qui veut avancer dans son din, celui qui veut comprendre هذا الدين. فكيل commence par les bases, par le début. Et là, chacun a أهم الأصول. Le fondement le plus important c'est معرفة الله عز وجل, الإيمان بالله. C'est le premier pilier min arkan al-iman. فقال رحمه الله ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون هو وحده غاية مطلوبهم. Ça doit être le but de chacun de nous en tant que croyant. لأن le croyant المؤمن il doit appliquer ما يتضمن هذا الاسم. أي المؤمن. C'est quoi un مؤمن? C'est الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. C'est ça le mu'min. C'est pas مجرد une étiquette. فالمؤمن c'est celui qui base sa foi sur هذه المعرفة. Le premier pilier c'est l'iman billah. C'est qui Allah عز وجل? C'est quoi ses noms? C'est quoi ses attributs? Il est où Allah subhanahu wa ta'ala? وهكذا بهذا الإيمان يزيد. فلهذا قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ولا نعيم. Celui qui ne fait pas d'effort في هذا الباب أو qui ne connaît pas هذا الباب فإي goûtera pas حقيقة النعيم في الدنيا. Sans parler de l'au-delà. النعيم c'est la joie, c'est les délices, c'est les récompenses. قال والتعرف إليه قرة عيونهم. أي عيون المؤمنين. Normalement ça doit être un plaisir. Et alhamdulillah, vous avez remarqué que cette dirasa qu'on a fait ensemble, cette étude de ce livre des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était une dirasa sahla. C'est très très simple. Le mu'min il aime ces choses. C'est la base de notre din. وكم استفدنا. Des fawaïd dans l'aqida, des fawaïd dans le tawhid, des fawaïd dans le bon comportement, des fawaïd dans أعمال القلوب. إيه beaucoup de choses. قال ومتى فقدوا ذلك. فقدوا أي celui qui perd cette chose, celui qui délaisse cette chose. أي تعلم هذا العلم العظيم, أي معرفة الله عز وجل. ومتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام. أي celui qui délaisse ce pilier, الإيمان بالله, الإيمان بأسماء الله وصفاته, il le délaisse إما عيدا بالله بالإعراض أو بالكفر. C'est très très grave حال الكفار. إما il le délaisse من باب الغفلة والتكاسل à cause de dunya. L'insan est occupé par dunya, il peut même plus apprendre le minimum, la base. Tu es un croyant, pourquoi? Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, fais c'est qui Allah? C'est pour ça que la première question في قبر الإنسان, quand il sera enterré, la première question, من ربك? Si tu étais croyant, tu pourras répondre. c'est qui ton Rabb? Fa fi hada al-hal, dans cette situation, les étiquettes ça servira à rien. Mujarrad at-tasmiya, les simples appellations ça servira à rien. C'est pour ça que al-munafiqun, les hypocrites qui prétendent être croyants, ils font croire cela aux gens, ils ne croient pas, fa fi qabrihim wa fi quburihim, ça leur sera d'aucune utilité. فَمَتَا فَقَدُوا ذَلِكْ كَانُوا أَسْوَى حَالًا مِنَ الْأَنْعَامِ. الْأَنْعَامِ, c'est les animaux. C'est pour ça que tu trouves beaucoup d'êtres humains, ils sont pires que les animaux. تَأَمَّلْ قَوْلَهُ أَسْوَى. Il n'a pas dit, ils vont être comme des animaux. Là, pire que les animaux. لِمَاذَا قَالَ وَكَانَتْ الْأَنْعَامِ أَطْيَبْ عَيْشْ مِنْهُمْ فِي الْعَاجِلِ. لِمَاذَا لِأَنَّ cet animal, il a été créé pour ce qu'il fait. Les animaux, ils font tous pourquoi, ou le pourquoi ils ont été créés, ils accomplissent tous. Les poissons dans les océans, certains animaux dans les forêts, dans les montagnes, dans les villes, dans les campagnes, ils sont tous à leur place. Ils mangent, ils dorment, ils se reproduisent. Hala al-hayawanat. Celui parmi les êtres humains qui délaisse le pourquoi, pourquoi il a été créé, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, connaître Allah, adorer Allah bien sûr, عَزَّ وَجَلَّ, هذا, il devient pire que les animaux. لِمَاذَا لِأَنَّهُ, il n'accomplit plus la mission pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé. فَالْحَذَرْ مِنَ الدُّنْيَا. Une des choses qui écarte le plus de هذا العلم, c'est الدُّنْيَا. C'est penser qu'au travail, penser qu'au projet, penser qu'à voyager, penser qu'au sport. C'est grave, on n'a pas été créé pour ça. Ces choses, tant que ça reste dans le halal, donne-leur une partie. Et ton intention, normalement, pour les hommes pieux, ça doit être pour améliorer ton dé. Ça t'aide à avancer dans ton cheminement. De ta naissance jusqu'à ta mort. Tu as besoin de certaines choses pour avancer. Alhamdulillah, tant que c'est halal. Mais notre objectif, ça devient que le sport. Tu trouves un min al-muslimin. Obama, il connaît tous les sportifs, ou beaucoup de sportifs. Il connaît les noms, il connaît les surnoms, il connaît les habitudes, il connaît ce que ce sportif il aime, ce que ce sportif il déteste, il essaye de lui ressembler. Ma'rifa. Et là, ça demande un effort, des recherches, Obama, il l'a suivi. Et si tu lui demandes, fi haqqi rabbil alamin, le créateur, Jalla wa ala, certains noms, il les connaît pas. Amma, l'explication, va. C'est ba'id. Pour certains. قال ابن القيم رحمه الله عليه وكانت الانعام اطيب عيش منهم في العاجل واسلم عاقبه في الاجل. العاجل في الدنيا. Ces animaux, ils auront une meilleure vie que cet être humain في الدنيا. Pourquoi les animaux, ils feront ce qu'ils ont à faire comme à تقدم. واسلم عاقبه في الاجل. لان les animaux, يوم القيامه, ils seront jugés. لكن ils iront pas fil janna ou fil nar. Lakin min bab al-adl kama akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, certains animaux seront jugés. Hatta le bélier qui avait des cornes, il rendra des comptes pourquoi il a attaqué une autre bête qui n'avait pas ses cornes. Min bab al-adl. Thumma ils deviendront poussière. La janna ou la nar. Fa hal al-hayawan il est aslam. Fi dunya il aura accompli ce qu'il a à accomplir, ce qu'il a à faire, et yawm al-qiyamah il ne rentrera pas au paradis, il ne rentrera pas en enfer, cet animal. Il disparaîtra. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Amma hadha al-insan yawm al-qiyamah, il disparaîtra pas. Abadan. Il rendra des comptes. Thumma. Imma. Il rentrera fil jannah. Imma fil nar. Et certains croyants, ils rentreront fil nar. Thumma, ils sortiront, ils rentreront fil jannah. Ala kulli hal. Les demeures éternelles, c'est imma le paradis, imma l'enfer. Enfin, l'amr, il n'est pas simple. Et le meilleur moyen pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous, c'est de connaître Allah azza wa jalla. Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas savoir ce que Allah il aime, ce que Allah il déteste, ce que Allah il t'a ordonné, ce que Allah il t'a interdit, et tu appliques bi qadri al-istita'a. Anfa' al-ulum, c'est hadhihi ad-dirasa qu'on a fait ensemble, wa lillahi al-hamd. Fa nastafid umur nahnu. أولا نشكر الله عز وجل. On doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette étude. كم من الناس, ils y pensent même pas. Tu peux même plus parler de fainéantise. Ils sont réguliers, pas réguliers. C'est sorti de أو سي جامي رونتري بال دون لوغ كور. فأنت سي اون نعمة من نعم الله عز وجل أن تو إتيدي سي نو دالله سبحانه وتعالى. Et on essaie de faire des efforts, bien sûr, pour mettre en application. كذلك نستفيد أن cette دراسة c'est toute la vie. C'est pas qu'un livre qu'on a fait ensemble quelques semaines, ثم on range les livres et خلاص. لا. هذا صدويت souvent. Et في الحقيقة, celui qui lit le Coran souvent, فلا شك أنه il lira beaucoup de noms d'Allah سبحانه وتعالى. لكن avec cette étude, tu liras le Coran plus de la même manière. Là, quand tu vas lire certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Sami', c'est le Basir, c'est Allah, c'est Rabbul Alamin, c'est le Malik, c'est le Qawi, c'est le Matin, il a un relais. Avec cette étude, ça va t'aider à méditer. C'est ça le but. Étudier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une étude comme ce que Ashab al-Dunya y font. Ils étudient les mathématiques, ou ils étudient certaines langues, ou la géographie. C'est pas pour appliquer, le but, c'est d'avoir un diplôme et gagner de l'argent. Et après, dès qu'ils ont ce diplôme, ils ouvrent plus jamais un livre dans cette matière. Sauf quand ils ont besoin. Nous, là, c'est ta'abboudan lillahi azza wa jal. Ça doit être avec plaisir. Falihada qala rahmatullah alayhi wa ta'arruf ilayhi qurrat uyunihim. Et c'est le plaisir de leurs yeux, de leur cœur. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Avant de citer certains noms, تقدم معنا dans ce livre, كذلك dans القواعد المثلى للإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه, أن هذا الباب للتوقيفي, أسماء الله تعالى توقيفية. Aïe, celui qui prétend que Allah subhanahu wa ta'ala il a tel nom, il est obligé d'avoir une preuve. Min al-Qur'an ou min al-Sunnah. Hadha al-bab, il n'y a pas de place pour l'ijtihad, pour la réflexion, pour un effort personnel, pour une déduction, pour une comparaison. Abadan. Il y a un dalil min al-Qur'an, c'est un nom d'Allah azza wa jal. Ou min al-Sunnah, c'est un nom d'Allah azza wa jal. Il n'y a pas de dalil, on n'a pas le droit de dire que c'est un nom. Si ça renferme un défaut, une imperfection, là chaque c'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça montre Al-Kamal, laquelle on n'a pas de dalil, on dit Allahu A'lam. Et on s'arrête là. Fahada, awwalan. Kadhalik, dans cette étude qu'on a fait ensemble, wa la'allakum tathkurun hada, anna min a'zam al-asbab, anna al-ba'd yuthbituna awad al-asma, wa hiya fil haqiqa ghayr thabita, une des plus grandes causes. En a certains, ils ont prétendu que tel nom, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que si tu fais une recherche, tu t'aperçois que c'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fal haqiqa, il y a deux raisons. La première, al-sabab al-awwal al-i'timad ala ba'd al-ahadith al-dha'ifa. Le fait de prendre comme preuve ou comme argument un hadith dha'if. Et ce hadith dha'if, dans ce hadith, c'est cité un nom. Allah il a tel nom. Et en fait, avec une recherche, tu t'aperçois que le hadith il est dhaïf. Hada ça a poussé certains savants ou autres d'attribuer certains noms à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres savants ils ont démontré que là, en rendant faible ce hadith. Ça c'est la première cause. Et marra ma'ana kathiran des noms que Cheikh Saadi il a cité rahmatullah alayhi, et en fait, ces noms, la source, la preuve, c'était le hadith dhaif qui est connu, hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala an, anna Allah subhanahu anna lillahi azza wa jal 99 isman man ahsaha dakhala al-janna ila akhire. Ce hadith il est sahih, la shaka fi, il est authentique, lakin le rajout à la fin de la liste de tous les noms ou de 99 noms, fahada c'est pas min kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama abayna المحققون من أهل العلم. Les grands imams du hadith, ils ont démontré que cet ajout et la liste des noms après le hadith authentique, la liste des noms, elle est faible. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a jamais cité cette liste. Bel, c'est certains rapporteurs qui ont voulu citer les 99 noms en s'appuyant sur le hadith sahih. Et certains noms, il n'y a pas de dalil. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, أن بعض أهل العلم يأخذون من بعض الأفعال أو بعض الصفات يشتقون منها أسماء. وهذا فيه نظر. الصحيح c'est que on peut pas prendre de chaque attribut un nom. فمثلا بعض اهل العلم يقولون ان من اسماء الله المنتقم او المدبر او المنعم كما سياتي ان شاء الله تعالى. هذه الاوصاف ثابته لله عز وجل، لا شك ان الله سبحانه وتعالى سالمنعم، لا شك انه سالمتكلم، لا شك انه سالمدبر، لكن هذا من باب الاخبار، من باب الصفات. نعم، اما انه سانم فلا. فبعض العلماء ils ont déduit de certaines actions d'Allah subhanahu wa ta'ala ou certains de ses attributs, ils ont pris des noms. وهذا فيه نظر. C'est pour ça que tu trouves d'autres savants, ils disent là, هذا c'est pas sahih, il y a pas de dalil. Ça c'est un dalil sur l'attribut. Enfin, ces deux causes, si tu les as compris, ça t'aidera inshallah ta'ala à comprendre pourquoi les ulama ikhtalafu. Pourquoi les savants ils ont divergé sur certains noms. Et tu arriveras كذلك à comprendre pourquoi al-qawl as-sahih c'est l'avis de ceux qui disent an al-asma tawqifiya, il faut un délit min al-Qur'an ou min as-sunnah où le nom il est cité. Amma l'attribut ou une action, hada c'est autre chose. Après cette brève muqaddima, cette introduction, on peut citer ensemble quelques noms que Cheikh Saadi rahmatullah alayhi il a pas cité dans les références que Al-Mu'allif il a prises pour rassembler cette risale. Al-Muhim, ces noms, quand on a étudié le livre, on les a pas cités. Min kalam Cheikh Saadi ou min ghayri. On a fait une liste assez courte d'une dizaine de noms qui sont authentiques. Thumma, on citera ensemble certains noms qu'on n'a pas cités. Lakin, il n'y a pas de dalil. On peut pas dire que c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Il y en a, ils font un dalil. Thumma, la troisième partie, et ça sera la dernière, des noms, ikhtalafa al-ulama fiha, al-khilaf il est qawi jiddan. Ces noms, fil haqiqa, ça demande du temps. Il faut faire une recherche. Ne pas se précipiter et dire, c'est un nom. Prendre l'avis de ceux qui disent que c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sans savoir, ne pas se précipiter kadalik et dire là c'est pas un nom d'Allah azza wa jalla. Hadhihi al-masail, il faut des recherches, il faut prendre du temps. La première partie donc, بعض الأسماء التي لم يذكرها الشيخ سعدي رحمة الله عليه. Le premier nom, الوارث, الوارث بالثاء. Vous connaissez le mot al-irth, vous connaissez le mot al-mirath, l'héritage, le fait d'hériter une chose ou d'être un héritier. Al-ulama warathatu al-anbiya, les savants c'est les héritiers du prophète, comme a qala sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, c'est cette racine, al-warith. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa nahnu al-warithun. Hada huwa al-dalil. Wa nahnu al-warithun. Donc hada al-ism il est thabit lillahi azza wa jalla. أما المعنى فقال الخطابي رحمة الله عليه في كتابه شأن الدعاء. Ce livre on en a parlé durant notre étude فيما أذكر et c'est une référence في هذا الباب. قال الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق. الباقي بعد فناء الخلق. فالله سبحانه وتعالى c'est le وارث أي c'est lui qui restera quand les créatures elles disparaîtront. ثم عز وجل il fera ressusciter toutes les créatures, tous les êtres humains et tous les من شاء عز وجل. قال والمسترد أملاكهم ومورثهم بعد موتهم. الإنسان لا شك أنه يمغى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا شك أن tout le monde laissera ses biens. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le warith, c'est le seul qui restera. Et toutes ces choses, en fait, elles appartiennent à Allah et elles reviendront à Allah. Et elles ont toujours appartenu à Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا معنى الوارث. تستفيد من هذا الاسم العظيم عدم الاغترار بالدنيا. فإنها زائلة. Ne t'accroche pas à tes biens. Ne laisse pas ces biens mondains de cette dunya pénétrer dans ton cœur et prendre trop de place. لماذا لأن ton cœur لا يتحمل. Si la dunya rentre dans ton cœur, فلا شك أن l'amour de l'au-delà, il sera moindre par rapport à cette place que Dunya elle prendra. Fahdhar. Aujourd'hui tu as de l'argent, Allah, demain tu en auras plus, après demain tu en auras encore. Aujourd'hui tu as une voiture, demain tu en as plus. Aujourd'hui tu as une maison, demain tu changeras. Ne t'accroche pas à cette dunya. Hakada dunya. Aujourd'hui tu as, demain tu as moins. Ne t'accroche pas à ces choses. Prépare l'akhira. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le warith. Fa'anta tu garderas rien. Toutes ces choses elles appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'l-haqiqa si tu réfléchis, même avant Yawm al-Qiyamah, avant que tous les êtres humains disparaissent, man mata qamat qiyamatu, celui qui meurt, fa fil haqiqa, l'au-delà ça commence pour lui. Et anta hadha al-mal alladhi tajma'u, ses biens, ses maisons, ses voitures, ba'd an-nas ils font des efforts jiddan et c'est leur seul objectif. Demain tu meurs, tous ces biens ils sont dispersés. En quelques heures. Après l'enterrement, après ton enterrement, Obama, les enfants, ils se rassemblent et ils partagent tes biens en quelques minutes, en quelques heures. Hada, il prend telle chose, Hada, il prend la moitié de telle chose, Hada, il prend le tiers. Et Allahu A'lam, qu'est-ce qu'ils vont faire, Bihada? Est-ce qu'ils vont faire des bonnes choses, Amla? Allahu A'lam, est-ce qu'ils vont utiliser ces biens pour faire des sadaqat pour toi et l'akhiré, Amla? Al-Muhim, ça nous montre, Hada, on ne doit pas s'accrocher. Là, prépare l'akhira. Essaye de délaisser une sadaqa jariya, essaye de délaisser après ta mort un ilm, fais des efforts pour l'ilm. Wallahi, si tu laisses un livre, fata'ammalu, madalan, le livre de Cheikh Saadi, il est mort il y a des décennies, rahmatullah alayh. Encore aujourd'hui, pendant des semaines, on a profité de son livre. À chaque fois, il a des hasanat. Et il n'y a pas que nous, bien sûr. Son tafsir, c'est devenu une référence. Et comme min kutubi, fais des efforts, anta, pour préparer hadha. Le deuxième nom, al-mubin. قال الله عز وجل ويعلمون أن الله هو الحق المبين اسم الحق تقدم معنا المبين الشيخ سعدي رحمة الله عليه dans ce مجموع qu'on a il n'est pas cité. قال هنا un tambih, ça ne veut pas dire que الشيخ سعدي il n'accepte pas ou il n'a pas cité ses noms dans un autre masdar. Là نحن on parle le livre qu'on a étudié ensemble. Et là, chacun a celui qui a rassemblé les paroles de Cheikh Saadi, il n'a pas rassemblé toutes les paroles. Maintenant, il n'a pas pris de certains livres qu'a Fath al-Rahim, al-Malik al-Allam et d'autres livres. Là, chaque mitla hadal ism, Cheikh Saadi, yuthbito. Lakin, quand un savant, il écrit, ou il explique les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire qu'il les a tous expliqués là. Al-Mubin, qala al-Zujaji rahimahullah, fi ishtiqaq al-Asma, c'est une référence kadhalik. Al-Mubin li'ibadihi sabil al-Rashad. والموضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه. Ça ressemble à اسم الهادي المبين لعباده السبيل الرشاد. Et c'est lui qui a montré la voie claire à ses عباد. وقال الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء وهو البين أمره في الوحدانية وأنه لا شريك له. البين c'est quelque chose de clair. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, il est capable de tout. C'est lui qui mérite l'adoration. Hada, c'est clair dans le Coran et dans le Sunna. Hadihi ba'd ma'ani hada l'ism al-azim. Tastafid min hada l'ism an al-insan yabhath an il-haq. Recherche l'haq. Ne te contente pas de suivre aveuglément. Ihdhar la paresse, ça fait beaucoup de mal. Et l'insan, il n'est pas toujours excusé. Celui qui a la qudra, qui est capable de rechercher, de demander, d'étudier, et il ne fait aucun effort, peut-être qu'il ne sera pas excusé au yawm al-qiyamah de certains manquements. Et donc, on fait des efforts. Al-haq, il est wadih, il est mubin, bayyin Allah subhanahu wa ta'ala, toutes choses qu'on a besoin, en envoyant des messagers, alayhim as-salat wa salam, et kadhalika, avec des livres. Et les livres qu'il aura révélés. Le troisième nom, Al-Muta'al. قال الله عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Al-Muta'al, c'est la même base que Al-Ali. Et تقدم معنا اسم ou plutôt Al-Ali, اسم Al-Ali. وهذا نعم تقدم معنا اسم Al-Ali, on l'a étudié ولله الحمد. Et on avait كذلك lu كلام الشيخ سعدي رحمه الله في أقسام العلو. Et c'est le même sens pour Al-Muta'al. كذلك اسم الأعلى تقدم معنا. من أسمائه عز وجل الولي والمولى، قال الله عز وجل: وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد. وقال سبحانه: نعم المولى ونعم النصير. هذه من أسماء الله عز وجل. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: الولي نصيرهم، نصيرهم أي بمعنى النصير، أي سلوك السكور، وظهيرهم يتولاهم بعونه وتوفيقه. تقدم معنا أو تقدمت مثل هذه المعاني معنا في تحفة الإخوان في الولاء والبراء. الولي on avait expliqué أنه c'est القريب الناصر إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى c'est الولي، أي celui qui secourt ses عباد، celui qui leur vient en aide عز وجل، celui qui leur facilite يوفقهم. قال رحمه الله، أي toujours l'imam Nujarir، عند قول الله عز وجل أنت مولانا، قال أنت ولينا بنصرك. Donc الولي والمولى ça ressemble à اسم النصير، أي celui qui secourt. تستفيد من هذا الاسم التوكل على الله وحده لا شريك له. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et n'aie pas peur des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le wali. Allah wali الذين آمنوا. لكن fais des efforts pour حقق الإيمان et Allah subhanahu wa ta'ala n'est aucun doute أنه c'est wali الذين آمنوا. أي c'est lui qui les secourt. C'est lui qui les préserve, c'est lui qui les guide, c'est lui qui leur montre, c'est lui qui leur facilite. Enfin, même si la terre entière se rassemble pour te faire un mal, si Allah subhanahu wa ta'ala c'est ton wali, ils traduisent par allié, personne ne pourra te faire de mal. Le cinquième nom, ou plutôt on a cité deux noms, on a al-wali et al-mawla. Enfin, le sixième et le septième, al-nasir ou al-nasir. قال عز وجل ونعم النصير، تقدمت معنا الآية من سورة الأنفال، نعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء. وهذا تقدم معنا ça ressemble à الولي et à المولى، أي الله سبحانه وتعالى c'est lui qui secourt ses عباد contre leurs ennemis. Non, enfin, là, j'ai mal noté les numéros. Il y en avait deux noms. Enfin, on a 4 et 5. On a 6 et 7. Donc, on en est au 8e. Le 8e, Al-Musta'an. قال الله عز وجل والله المستعان على ما تصفون. في سورة يوسف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النافع طريق الهجرتين: هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه. المستعان ça vient du mot عون. Vous connaissez le mot أعان، يعين. المعين. المستعان c'est celui à qui on demande l'aide. العون c'est l'aide. فابن القيم رحمه الله قال هو الذي يستعان به، أي c'est celui à qui on demande de l'aide، كما قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب العون من الله عز وجل، أي on demande l'aide d'Allah سبحانه وتعالى على حصول المطلوب، quand on a besoin de quelque chose tu demandes à Allah سبحانه وتعالى، ودفع المكروه كذلك quand tu es touché par une mauvaise chose et tu demandes à Allah سبحانه وتعالى qui éloigne cette chose de toi، que ce soit une maladie, un ennemi ou autre. فمن ثمرات هذا الاسم الإيمان بهذا الاسم عدم القنوط من رحمة الله عز وجل. Ne désespère jamais. Tu n'as pas compris une chose, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es touché par une maladie, demande à Allah azza wa jal. Tu n'arrives pas à faire certaines choses, à te marier, à avoir un enfant, à trouver un emploi, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'arrives pas à apprendre ou tu as du mal à mémoriser, demande à Allah azza wa jal. Wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Naam. Et كذلك, si tu es éprouvé par des ennemis ou des gens qui veulent ton mal, fasta'in billah, subhanahu wa ta'ala. Qala, ou intahayna min kalam al-qayyim. Naam. Famin fawaid hadha al-ism, donc, adam al-qunut min rahmatillahi azza wa jalla. كذلك al-ijtihad fi al-du'a. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le musta'an, wa yuhib. Et il aime, subhanahu, qu'on lui demande de l'aide. Et il est capable de tout. Il n'y a que lui qui peut nous répondre, fal-haqiqa. Amma, les créatures, même si dans certains cas c'est des causes pour t'aider, al-amr, il est biyadillahi azza wa jalla, min qabl wa min ba'd. كذلك, min al-asma, le neuvième et le dixième nom, al-tabib wa shafi. عن أبي رمثة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الطبيب الحديث رواه الإمام أبو داود وصححه الإمام مقبل ابن هادي رحمة الله عليه. Ça c'est un دليل pour اسم الطبيب. والعلماء اختلفوا لكن الصحيح سيكون ثابت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الطبيب أي الله c'est الطبيب. حديث صحيح لواضح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا قال اذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي. هذا الدعاء, هذا الدعاء المعروف عند الإخوان ولله الحمد. سدعاء pour le malade. اذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي. قال الإمام البغوي رحمة الله عليه في شرح السنة قال رحمه الله هو العالم كيفية الداء والدواء. C'est lui سبحانه qui connaît les maladies et les remèdes. Et c'est lui qui a décrété telle maladie et c'est lui qui est capable de guérir ce malade. قال رحمه الله هو القادر على الصحة والشفاء. C'est lui qui est capable de redonner الصحة à cet homme ou à cette femme et كذلك الشفاء. أي la guérison. وليس ذلك لأحد إلا لله الواحد القهار. Donc Allah سبحانه وتعالى الشافي هو الطبيب عز وجل. فمن ثمرات الإيمان بهذين الاسمين أن المريض يطلب من الله عز وجل الشفاء. Et la maladie c'est pas forcément un mal. Le mal c'est l'égarement, le mal c'est les péchés. أما كم من صالح وهو مريض وكم من طالح من مجرم وهو صحيح الجسم. Donc ça c'est pas un mizan. La preuve c'est que Ayyub alayhi salatu wassalam c'est un nabi min al-anbiya et une longue partie de sa vie il était malade. Et en aucun cas ça l'a rabaissé. Abadan alayhi salatu wassalam. La maladie ça rabaisse pas. Ce qui rabaisse c'est les péchés. Ce qui rabaisse c'est al-bid'a, l'innovation. Ce qui rabaisse c'est shirk billah azza wa jal. Amma la maladie en aucun cas ça rabaisse. Le prophète alayhi salatu wassalam il est tombé malade. Il a fait salat assis alayhi salatu wassalam à cause de la maladie. وكم من إنسان بل سوى النعمة في الحقيقة pour celui qui يحتسب الذي يحتسب سوى النعمة تكفير الذنوب ورفع الدرجات والحمد لله هذه الدنيا سدار الابتلاء. فعلى كل حال الإنسان سيتم ملاد فيدمض الله سبحانه وتعالى وحده أي لا guérison. Et bien sûr il fait les causes. عباد الله تداووا هكذا قال عليه الصلاة والسلام. Le onzième nom on peut rajouter al-Mannan. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أي أنس سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان. النبي صلى الله عليه وسلم قال après avoir entendu هذا الدعاء من هذا الرجل لقد سأل الله باسمه الأعظم. هذا لعله تقدم معنا هذا الحديث أو النطق كي ressemble à هذا quand on avait cité مسألة الاسم الأعظم. الحديث رواها الإمام ابن ماجة رحمه الله وهو في الصحيحة للإمام الألباني عليه رحمة الله. الحديث إلى الصحيح. Donc الله سبحانه وتعالى c'est le mannan. Vous connaissez le mot al-minnah. Ça ressemble à النعمة. On dit هذا الأمر c'est min minnatillahi alayk, ay min ni'amillahi alayk ou min ni'matillahi alayk. Fal minna ça ressemble à la ni'ma, ay le bienfait. Qala الزجاجي رحمه الله في اشتقاق الأسماء منان على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه ورزقه إياهم. الله سل منان على عباده بإحسانه. Et c'est lui, chaque bien c'est lui qui leur a donné, c'est lui qui leur a facilité, c'est lui qui les a créés. Azza wa Jal, قال وإنعامه tous les bienfaits وما بكم من نعمة فمن الله ورزقه إن الله هو الرزاق وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهذا تقدم معنا اسم الرزاق. وقال الخطابي رحمه الله وأما المنان فهو كثير العطاء. C'est celui qui donne beaucoup. Et تقدم معنا اسم المعطي اسم الرزاق واسم الرازق. Tous ces noms, ils ressemblent à المنان. أي celui qui donne beaucoup. الثمرات تقدمت معنا dans notre étude. Le douzième nom, السيد. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنت سيدنا فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. الحديث إلى صحيح خرجه الإمام أبو داود رحمه الله. قال الخطابي رحمه الله السيد قال أي أن الخلق كلهم عبيد له عز وجل. أي toutes les créatures c'est des abid lillah. لأن السيد c'est celui qui possède des abid. Le maître et l'esclave. السيد est traduit par le maître. فالله سبحانه وتعالى c'est سيد الجميع. C'est سيد الجميع أي c'est مالك الجميع. فهذا الاسم السيد ça ressemble à اسم الملك. أي toutes les créatures c'est des serviteurs d'Allah سبحانه وتعالى, des créatures d'Allah سبحانه وتعالى. Et النبي صلى الله عليه وسلم c'est سيد ولد آدم. قوله السيد هو الله ça veut pas dire que on peut pas dire à autre السيد, لكن السيادة المطلقة لا شك c'est لله عز وجل. أي الله سبحانه وتعالى c'est le maître de الجميع, أي خالقهم ومالكهم ورازقهم ومدبرهم. Donc ça ressemble à اسم الملك. أما سيادة البشر فألا منحصرة من certain choses. مثلا celui qui a un esclave فسي le سيد de cet esclave. النبي صلى الله عليه وسلم c'est سيد des êtres humains, et c'est le meilleur des êtres humains. وهكذا. Le dixième nom, المسعر. وهذا في الحقيقة في خلاف قوي. J'ai hésité à le mettre avec la dernière partie, أي les noms où il y a un خلاف قوي. لكن الحقيقة الحديث إلى واضح, لكن كثير من العلماء لا يثبتون المسعر. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. تقدم معنا هذا الحديث, تذكرون اسم القابض والباسط au début du livre, et on avait lu ce hadith. Vu qu'on a accepté ces noms, القابض الباسط الرزاق إلى آخره, on doit في الحقيقة accepter ce nom المسعر. كثير من العلماء المتقدمين المعاصرين لا يثبتونه. Ils disent que c'est un وصف. المسعر ça vient de السعر. السعر c'est les prix. أي الحديث on l'a pas cité entier, لكن on peut le résumer en ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم où ils se sont plaints par rapport à la hausse des prix. Et ils ont demandé سعر لنا. أي par rapport au prix, Allah subhanahu wa ta'ala, أو le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال إن الله هو المسعر. أي c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète هذا. La hausse des prix إلى آخره c'est من الله عز وجل. Donc بعض العلماء قالوا أن هذا c'est من باب الوصف ومن باب الإخبار. أما un nom, ils ont dit non. Et d'autres savants, ils ont dit que c'est un nom. Et في الحقيقة ceux qui disent que c'est pas un nom d'Allah عز وجل, ils sont أكثر, بل ils sont beaucoup plus. Et parmi ceux qui ont dit que c'est un nom d'Allah Azza wa Jal, min al-mutaqaddimin, on a trouvé l'imam al-Qurtubi rahmatullah alayh dans son livre l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal, et min al-mu'asirin al-Sheikh ibn Baz rahmatullah alayh. هؤلاء يقولون أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكذلك شيخنا يحيى حفظه الله تعالى إلى استعداد الإسم في المبادئ المفيدة. وإلا كثير من العلماء يسيت pas ce nom, بل يدّيّس que c'est un وصف. Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, lui ont demandé et il a montré clairement que c'est pas un nom parmi les noms d'Allah عز وجل. وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن هنا أحاديث إن الله هو المستعير. كذلك من المعاني الست التسعير أي par rapport à النار. إن المجرمين في ظلال وسعر. التسعير c'est le fait الله أعلم d'augmenter la chaleur de النار du feu. Ça c'est بيد الله سبحانه وتعالى أي en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-musa'ir. Donc il n'y a aucun mal. Le hadith, il est clair, il est sahih. On a accepté les autres noms du hadith. Enfin, pourquoi ne pas accepter hada? Kadhalik, il renferme un wasf kamel, min bab al-kamal, al-tas'ir. Enfin, c'est pour ça qu'à la fin, on l'a quand même mis avec les noms qui étaient thabit. Lakin i'lam anna al-khilaf il est qawi fi hada. Enfin, celui qui dit que ce nom c'est pas un nom d'Allah Azza wa Jalla, la yunkar alayh, bien sûr. Et celui qui affirme que c'est un nom d'Allah Azza wa Jalla, fa la yunkar alayh. Lian al-khilaf il est shadid, il est qawi fi hada al-bab ou fi hada al-ism plutôt. Le dernier nom, le 14e, ad-dayyan. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yahshuru Allah al-ibad fayunadihim. Nakhtas al-hadith, il est assez long. Ana al-malik أنا الديان. فهذا الاسم ثابت لا شك فيه. الحديث اللي في صحيح البخاري. قال الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء هو المجازي. ساس من معاني الديان. كما تدين تدان. أي الجزاء. Comme tu fais, on te fera. أي si tu fais des mauvaises choses, tu recevras des mauvaises choses. Ça c'est pour vous rapprocher al ma'na. Fa Allah subhanahu wa ta'ala c'est dayyan ay al mujazi, celui qui récompensera ou qui châtiera ay yawm al qiyamah. Wa qala rahimahullah wa aydan al dayyan al hakim, celui qui jugera. Ça va ensemble, il jugera, thumma il récompensera ou il châtiera, azza wa jall. Wa qala ibn al athir rahimahullah fi al nihaya, كذلك c'est une référence à Nihaya, c'est pas que sur les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est sur l'explication des mots qui sont assez compliqués ou qui sont gharib dans les hadiths, les ahadiths du prophète alayhi salatu wasalam. Et là chaque année les ahadiths où il y a des noms d'Allah Azza wa Jal, il explique les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn al-Athir rahimahullah qila huwa al-qahhar. Naam, al-Dayyan ça ressemble à al-qahhar. Et Al-Qahhar taqaddam ma'ana. Wa qila huwa al-hakim al-qadhi. Al-hakim al-qadhi. Al-hakim al-qadhi est celui qui jugera. Al-qadhi c'est le juge. On appelle matalan le juge de tel tribunal, on dit c'est al-qadhi fulan. Fa ad-dayyan c'est bihadha al-ma'ana. Wa min thamarat hadha al-ism al-isti'dad li yawm al-ma'ad. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Dayyan, anta tastafid anna tu feras partie wa la budd de ceux qui seront jugés. Allah subhanahu wa ta'ala c'est Dayyan. Tout le monde sera jugé. Qala azza wa jall ana al-malik ana ad-dayyan. Fa on se prépare à hadha al-yawm. Fa hadhihi donc 14 noms qu'on a ajouté wa lillahi al-hamd wa hiya صحيحة ثابتة. On a cité pour chaque nom un délil. ثم on peut citer une série de noms et في الحقيقة il n'y a pas de délil. Donc on ne peut pas dire que ces noms c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'étude qu'on a faite de la risala de Cheikh Saadi rahimahullah, certains noms qu'il a cités rahimahullah, al-sahih c'est qu'il n'y a pas de délil clair. Et on avait montré au Lail Hamd avec la parole d'autres savants que certains noms qu'il a cités, alayhi rahmatullah, falaysat min asma'illah. Et on peut rajouter huna, et on fait une précision avant de citer ces noms, ça ne veut pas dire que al-ma'na il n'est pas sahih. C'est pour ça que certains noms qu'on a cités, qu'on a lus, min kalam Cheikh Saadi, qu'a al-khafid, wal-rafi', wal-mu'iz, wal-mudhil, ou d'autres noms, في الحقيقة المعنى اللي صحيح لا شك. لكن est-ce que c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est autre chose. لأن المعنى اللي صحيح ça peut être un attribut, ça peut être une sifa, ça peut être un fi'l, ça peut être فقط من باب الإخبار comme on dit المتكلم المدبر etc. Donc لا شك أن هذه المعاني صحيحة لكن هنا on est dans un autre point نحن est-ce que c'est un nom d'Allah أم لا أسماء الله عز وجل توقيفية لا بد من دليل. فparmi ces noms الفرد الفرد ويغني عنه أي في المعنى الأحد تقدم معنا الفرد c'est l'unique et on a des adillas sur le nom الأحد والله الحمد on les a étudiés ensemble donc الفرد il n'y a pas de دليل والله أعلم et كذلك on précise هنا أن هذا c'est par rapport à nos recherches et la vie qu'on a choisi on peut trouver un autre frère qui pour lui il a trouvé un dalil où il prend l'avis de ceux qui disent que ce dalil il est bon pour ce nom et alhamdoulillah certaines masail fi akhilaf fala bas al-hannan هذا كذلك بعض العلماء ذكروا لكن يحتاج الى دليل et on a étudié ensemble wallahi alhamd ism ar-rahman ar-rahim al-hanana c'est rahma quelqu'un de hanoun c'est quelqu'un de rahim on dit hananatu al-um أي رحمة الأم فالحنان c'est celui qui a de la rahma de la miséricorde et alhamdulillah le sens il ressemble à الرحمن الرحيم وهذا تقدم معنا كذلك الوالي avec le mad avec alif après le waw أما الوالي تقدم معنا c'est صحيح أما الوالي هذا يحتاج إلى دليل أما le sens c'est comme الوالي فتقدم معنا أوسع ensemble المعين beaucoup de ces noms ils sont cités dans la liste le hadith qu'on a cité au début le Dhaif hadith Abi Huraira radiyallahu anhu l'ajout de certains rapporteurs beaucoup de ces noms ils sont cités dans ce hadith et le hadith il est Dhaif Al-Mu'in ça ressemble à Al-Musta'an taqaddam ma'ana Al-Musta'an Al-Musta'an li sahih amma Al-Mu'in fala Al-Qadhi taqaddam ma'ana Al-Dayyan amma Al-Qadhi fa il n'y a pas de dalil مثلا si tu prends le qadhi Allah subhanahu wa ta'ala قال والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق Allah il juge par le haq بعض العلماء ils ont pris من هذه الآية ils ont pris l'ism ils ont dit vu que Allah يقضي بالحق c'est le qadhi كثير من العلماء الشيخ سعدي رحمه الله beaucoup de noms Allah أعلم il les a affirmés avec cette tariqa ou en se basant sur hadith Abi Huraira لعله رضي الله عنه لعله يبنسي كل حديث إليه صحيح أو إليه تدافي كليه صحيح فمثلا قوله والله يقضي بالحق لا شك أن الله يقضي بالحق الله سبحانه وتعالى حكم عدل سي الحكيم سبحانه هذا لا شك فيه لكن لفت دو بخوندر أنو الصحيح سي كلا يفوكونا أن دليل بك القاضي هذا الاسم هذا الحقيقة إن يبقى فيكفي أو يغني عنه اسم الديان C'est le même sens. As-sadiq. La même chose. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لا شك أن الله سبحانه وتعالى as-sadiq من باب الإخبار وَمَنْ أَصْدَق أي n'y a pas plus véridique que Allah سبحانه وتعالى كلامه c'est le حق ووعده c'est le حق et صفاته c'est الحق وهكذا on a détaillé هذا في اسم الحق الصادق il n'y a pas de دليل من باب الإخبار أو الوصف نعم le huitième الدائم c'est l'éternel أي celui qui ne meurt pas وتوكل على الحي الذي لا يموت تقدم معنا اسم الحي تقدم معنا اسم الآخر الله c'est الأول c'est الآخر أما الدائم فيحتاج إلى دليل الباقي c'est la même chose الباقي c'est celui qui reste أي l'éternel هذا كذلك il n'y a pas de دليل ويغني عنها في المعنى الآخر لا شك أنه اللي في القرآن المحيي المميت هذا كثير في القرآن وهو يحيي ويميت سبحانه هذه c'est des أفعال أن الله سبحانه وتعالى c'est celui qui fait revivre les morts c'est celui qui donne la mort aux vivants عز وجل أما لنون أنه c'est le محي المميت أي en tant que nom فهذا ils font un délil أما من باب الإخبار نعم on dit Allah c'est le محي c'est le مميت c'est lui qui donne la vie c'est lui qui donne la mort الرفيع رفيع الدرجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا كذلك سأنفعل سنقسم أن الله سبحانه وتعالى إلى لاف. أما أن الرفيع فهذا يحتاج إلى دليل. On avait vu une règle ensemble. Qu'est-ce qui peut nous la rappeler par rapport au sifat, au akhbar et au nom? تذكرون تفضل. أحسنت. باب الصفات وباب الأخبار إلى أوسع. فباب الأخبار إلى أوسع من باب الصفات. باب الصفات إلى أوسع من باب الأخبار. فتو بو انفورمي دون شوز اي في الحقيقة سي با ان نون الله سبحانه وتعالى بل سي ان اتريبيو سي اون اكسيون كو الله سبحانه وتعالى يف. القديم هذا سي با اون بو با دير كو اسم الله سبحانه وتعالى يحتاج الى دليل. هنا اسم الاول القديم سي celui qui n'a pas de début. فالاول تقدم معنا. المنعم وما بكم من نعمة فمن الله. فلا شك أن المنعم سي الله لكن لنو فيحتاج إلى دليل. أما لا شك أن ما من نعمة سي من الله. اتقدم معنا اسم المنان. المدبر أن الله سبحانه وتعالى يدبر أي سلوي كجير. هذا كذلك بعضهم إلا الست هذا سي ضعيف. الباعث أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور. C'est lui qui va ressusciter les morts. Ala shakanna al-wasf al-thabit anna Allah subhanahu wa ta'ala sayab'ath al-mauta lakin al-ism il faut un dalil. Al-muhsi. Qala 'azza wa jalla wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sourate Yasin. Wa kullu shay'in ahsaynahu. Aïe, c'est le fait d'avoir tout écrit. Quelque chose de mahsi, c'est quelque chose qui est compté, qui est écrit. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes ces choses. Hada la shak annahu thabit min bab al-wasf wa kull shay'in ahsayna, lakin al-ism fa yahtaj ila dalil. Le 15e nom al-wafi. Ça vient de al-wafa. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu al-mi'ad. Quand il promet une chose, Allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu adaha abadan. Contrairement à certains hommes ou certaines femmes qui ne tiennent pas leurs promesses. Il te promet une chose, thumma il ne le fait pas. Allah subhanahu wa ta'ala idha wa'ada bi shay'in fala yukhlifu al-mi'ad. Fa hadha min bab al-khabar na'am, amma un ism anna Allah c'est le wafi, fa hadha fihi nadar, hadha il faut un dalil. As-sari'a. السريع إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. سريع c'est la rapidité. الحساب c'est les comptes. أما اسم السريع فبعضهم ينبخي من هذا الوصف أو هذا الفعل. كذلك البديع. البديع on avait vu أظن بديع السماوات والأرض. On l'a vu نعم بديع السماوات والأرض le dixième nom. قال المحقق هذا الاسم من أسماء الله المضافة وقد تقدم في الدراسة أنها لا تدخل. نعم on avait vu أن الأسماء المضافة لا بس شيخ الإسلام les a accepté d'autres. فبديع السماوات والأرض هذا فيه نظر أو plutôt البديع فيه نظر. أما الإضافة فينظر بديع السماوات والأرض ça revient à la مسألة qu'on avait vu. هذا لا بس نعم فالأسماء المضافة كثير من العلماء les ont accepté. المنتقم le dernier nom et il y en a beaucoup لكن on s'arrête هنا لأن الوقت ذهب. المنتقم أي أن الله سبحانه وتعالى ينتقم et هذا c'est pas un nom d'Allah سبحانه وتعالى. et d'autres avec plus de recherche tu peux trouver d'autres noms. On finit avec la troisième catégorie بعض الأسماء التي اختلف فيها العلماء الخلاف il est قوي جدا. Il y en a certains noms qu'on a cités dans la deuxième partie وبعض العلماء ils les acceptent لكن on les a cités dans cette deuxième catégorie لأن il n'y a pas de dalil ou le dalil est ضعيف ou في الحقيقة c'est un wasf c'est une sifa, ou c'est un fi'l d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut d'Allah azza wa jalla. Amma, cette dernière catégorie, fal khilaf il est qawi jiddan. Ça demande des recherches qu'on fera pas ici, c'est trop long. Lakin, là, bas, on vous cite ces noms, thumma, et ça, c'est une tariqa tayyiba. Tu as des noms, c'est clair, ils sont thabit, ils sont sahih. Il y a l'unanimité des savants. Allah, Ar-Rabb, Al-Khaliq, Al-Hayy, Al-Qayyum, ila akhir. Tous ces noms, c'est clair. Et cela a beaucoup de noms qu'on a étudiés ensemble. Tu as des noms, c'est clair, ils ne sont pas thabit. Comme Al-Muntaqim, comme Al-Mudabbir, etc. Ça, c'est des awsaf. Thumma, tu as une troisième catégorie, tahtaj ila dirasa. Donc, en tant que talib ilm, si tu veux étudier hadha al-bab, awlan, tu étudies une risala d'un savant, مثلا celle de Cheikh Saadi, elle est très simple, et tu vas apprendre, alhamdoulilah, des noms sahiha, d'autres noms, tu ne vas pas les accepter, les madha, les annahu, il n'y a pas de délil, alhamdoulilah, tu auras des noms thabita et des noms qui ne sont pas thabita. Après cela, dès que tu as compris tout ça, il te restera certains noms, tu auras des doutes. Il m'a des noms de la deuxième catégorie, probablement avec des recherches, tu sauras d'habiter ces noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il m'a des noms de la troisième catégorie. Thumma, ces noms, avec le temps. Dès que tu te renforceras dans la langue arabe, dès que tu auras étudié l'aqidah, dès que tu connaîtras les sources, les références, les livres des savants. Al-Hafid ibn Hajar, il a une inaya kabira, il y a Talkhis al-Habir, Al-Imam al-Qurtubi, et d'autres, min a'immat al-Islam. Donc, avec ces références et avec les outils que tu auras, la langue arabe, kadalik shayfi al-Hadith, tu pourras différencier entre le sahih et le ghayr, le sahih, le thabit et le ghayr, le thabit. Et avec le temps, alhamdulillah, tu auras un avis. هذه الأسماء, le premier, Al-Muhsin. Tu prends l'exemple d'Al-Muhsin, tu trouves Mashaykh, ils ont écrit des livres via là. Pour montrer, là, ça demande une recherche. Anna, je connais deux livres via là, le premier. Il montre un al-Muhsin, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, wa faqahullah. Il a écrit un livre, une risala, et il montre un al-Muhsin, c'est min asma'illah. Et il cite al-Adilla. Tu as un deuxième livre, c'est celui de Cheikh Abu Abdillah Kamal al-Adani, rahmatullah alayhi, min mashaykh Dar al-Hadid, bidammaj. Et il a écrit une risala pour montrer un al-Muhsin, le ism, il n'est pas thabit lillah, azza wa jalla. Par exemple, l'ism, il n'est pas cité dans le Coran, mais il y a des hadiths. Et l'ulama ختلفوا. Ceux qui disent que les hadiths, ils sont sahiha, avant le Cheikh Al-Albani, sahah certains de ces hadiths, donc pour lui, ism al-Muhsin, il est thabit. Et tu as d'autres savants, yudha'ifunaha. Et avant le minhum, Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi. Donc, ça sera par rapport à cette mas'ala. Si tu sahah, tu prends l'avis que le hadith est authentique, tu diras le Muhsin, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu dis qu'il n'est pas sahih, tu diras, j'ai pas de délil, je ne peux pas dire que c'est un nom d'Allah. Il y en a l'asma tawqifiyya. Donc, ça revient au bahth. Il faudrait lire ces deux rasa'il, par exemple, et voir pourquoi, mathalan, celui qui dit le hadith, il est da'if, pourquoi celui qui dit sahih, est-ce qu'il a d'autres hadiths qui renforcent, ou hakada. Et à la fin, tu sortiras avec une natija. Natija, inshallah, tayyiba. C'est pour ça que même ceux qui disent que Al-Muhsin, on n'a pas de délil, mathalan, ma sayunkiroun, celui qui appelle son fils Abdel Muhsin. Il y a beaucoup de musulmans, un qui appelle Hakada, avec Adel Bab, le khilaf, il est qawi, et l'amr, il est sahel. Et là, chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Muhsin, imma, le nom, imma al-wasf. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dhul ihsan. Thumma al-witr. Et le dalil taqaddam ma'ana. Inna lillah 99 isman ila akhirih. Wa inna allaha witrun yuhibbu al-witr. Pourquoi on l'a cité ici? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit inna allaha witrun. Alors, les ulama disent c'est un ism. Ils l'ont cité dans l'asma. Alors, les ulama disent là, c'est un wasf. Il n'a pas dit al-witr. Il a dit witrun. Hada yahtaj ila bahth. بعض العلماء يسيت كم كونديسيون انا pour que ça soit un nom d'Allah faut qu'il y a alif wa lam. هذا c'est pas على الاطلاق في الحقيقه. C'est pas على الاطلاق. Donc ça demande une recherche. كذلك الحفي. نسيت est-ce que le witr الشيخ بن عثيمين il a cité في القواعد المثلى. Quel كان القواعد المثلى? انظر est-ce que le witr à la fin des noms. نعم قال ومن السنة الوتر البخاري ومسلم نعم سحديث إن الله وتر يحب الوتر هذا سان إكزامبل طيب أن الحديث ceux qui disent que ça nous donne Allah comme Cheikh Ibn Uthaymeen le hadith il est clair il est sahihi et les autres certains savants ils disent c'est pas un nom ils acceptent le hadith il est sahihi lakin hum ils disent c'est pas un nom إن الله وتر إن الله وتر ça ressemble à l'ahad ça ressemble à l'fard pour eux c'est min bab al-ikhbar فهذا ça demande plus de recherche أما Cheikh Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه il l'a cité بارك الله فيك Garde cette liste عندك on ne sait jamais si on a besoin d'un autre nom الحفي تذكرون هذا في القاعدة المثلى أن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه après avoir cité les noms d'Allah عز وجل il a cité plusieurs noms ou qu'il avait des doutes ça demande plus de recherche هذا إمام من أئمة السنة لكن هكذا العلم Tu t'avances pas dans des choses, tu n'es pas sûr. Tu rejettes pas des choses, tu n'es pas sûr. Ça demande des recherches. Fais ton étude et à la fin, tu notes et tu précises que hada, il faut une recherche. La'allallah subhanahu wa ta'ala, il te facilite. Ou un jour, tu achètes un livre. Ou rubama ya at-tafsil. Ou un jour, tu assistes à un dars. Ton shir, ton professeur, il explique un de ses noms, il te prouve que c'est un nom. Thumma, petit à petit, tu corriges. Tu les places maintenant. Imma, tu vas les placer dans la deuxième catégorie, c'est pas un nom. D'Allah subhanahu wa ta'ala. Imma, dans la première, c'est un nom. Et teste vite. Cheikh Ibn Uthaymeen, à la fin de Qa'id al-Mutla, il avait cité ces deux noms, Al-Hafi et Al-Muhsin. Il avait dit, Indi taraddud. Je ne suis pas sûr. Et il avait cité Al-Muhsin et Al-Hafi. Al-Tayyib. Ça ressemble à l'ouitre. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Certains savants disent Inna Allah tayyibun, c'est un wasf. Tayyibun. Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha nafsahu anil naqa'is wal uyub, etc. Ça ressemble à Ism al-Salam al-Quddus. Et d'autres savants, ils ont dit ça. Ism. As-sahib wal-khalifa. Kama ja'a fi al-hadith. Du'a'u al-safar. Anta as-sahibu fi al-safar wal-khalifatu fi al-ahl. فبعض العلماء قالوا الصاحب والخليفة سيدنا الله عز وجل وبعض العلماء يزون ديس من باب الإخبار الصاحب في السفر والخليفة في الأهل الحقيقة هذا سيغسمل المسعر c'est pour ça que بعض العلماء قالوا المسعر c'est pas un الله عز وجل ils ont appliqué la même chose avec الصاحب والخليفة لكن لماذا نحن هنا on a cité المسعر dans les noms qui sont ثابتة لأنه il est cité avec d'autres noms et on a accepté les autres noms نعم. أما الصاحب في السفر زي remarquez que c'est مقيد بالسفر والخليفة في الأهل c'est مقيد فلهذا بعض العلماء قالوا ce taqid ça montre que c'est pas dans tout et هذا ça demande une recherche le dernier الفاتن كما جاء في الحديث أنت الملك الفاتن et هذا كذلك ça demande des recherches في المعنى et من حيث الإثبات حقيقة on aurait pu et ça vous allez le faire أنتم إن شاء الله تعالى نتعاون après tout cela tu peux faire une liste tous les noms qui sont ثابتs et les noms que Cheikh Saadi l'a cité c'est la plupart des noms مثلا الإله الله c'est des noms ثابتs tu les mets dans la liste أسماء الثابتة الأحد نفس الشيء الأعلى العلي نفس الشيء Tu vas arriver à un moment, al-awwal, al-akhir, al-zahir, tout ça c'est thabit. On est arrivé au plus du dixième nom, l'an. Thumma, al-akhir, al-bari, tout ça c'est thabit. Thumma, tu vas arriver à al-khafid, al-rafi, dans le deuxième qisme, ghayr thabit. À la fin, tu vas avoir une liste des noms de Cheikh Saadi, les noms qu'on a rajoutés. Aïl asma thabit, aïl les noms authentiques. Et, alhamdulillah, on a cité un dalil pour chaque. Et Cheikh Saadi, wallahi alhamd, il a cité un dalil ou le muhaqqiq. Thumma, tu fais une deuxième liste, al-asma qui ne sont pas thabita. Mathalan, les noms qu'on a cités, nahnu, al-fard, al-hannan, al-wali, al-mu'in, etc. Et tu rajoutes al-khafid, al-rafi', al-mu'iz, al-mudhil, et certains noms que Cheikh Saadi l'a cité, et fiha nazar. Et à la fin, tu auras, wallahi alhamd, une liste avec les noms thabita, tu verras que ça sera, inshallah, plus de 100 noms. Et tu auras une liste avec des noms qui ne sont pas ثابتة. Thumma, Une troisième liste, et c'est la dernière qu'on a fait, des noms, فالحقيقة, ça demande une étude. مثلاً, Al-Jalil, on a vu qu'il n'y a pas de délil. Al-Jalil, tu vas le mettre avec les noms qu'il n'y a pas de délil. Al-Kabir, là, je sais qu'il y a un délil, tu vas le mettre avec la première catégorie. Faites cette liste. Awalan, ça va vous faire réviser. Thanian, si vous n'avez pas les adillah, recherchez-les. Et Alhamdulillah, c'est une recherche dans les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Alhamdulillah, si vous avez la liste, vous la gardez dans ce livre. Et si Wahad il la met au propre avec l'adilla ila akhire, tayyib, si il nous la passe, on la photocopie, ana je l'ai pas, j'ai pas eu le temps de la faire. Et nata'awun fi hada. Si faites-la tous, inshallah satastafidoun, et tout le monde regardera ensemble, et s'il y en a une qui est propre avec l'adilla, c'est clair, inshallah on la photocopie et on la garde dans notre livre. Hakada al-ilm. Vous avez vu, une étude d'un livre, c'est pas comme une traduction. Les traductions, on a déjà expliqué. Ils vont citer certains noms, c'est compliqué. Ces mots, on les a jamais employés en français. Sahih. Ce mot, la première fois que tu le vois, tu as besoin d'un dictionnaire. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Cet effort, fais-le en langue arabe. Ou demande si tu ne maîtrises pas la langue arabe. Et une simple lecture, même en arabe, ça suffit pas. Il faut revenir à kalam ahl al-ilm, il faut shaymina al-tadqiq pour savoir al-thabit min ghayr al-thabit. Al-dirasa, c'est une ni'ma azim. Et on doit préserver cette ni'ma. On préserve en apprenant ces noms. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ahsaha dakhal al-jannah. Et taqaddam ma'ana, na celui qui connaît, inna lillah 99 ismen, mi'ah illa wahid, man ahsaha دخل الجنة. يتقدم معنا أن معنى الإحصاء على الصحيح c'est le fait de les connaître et de les mettre en application. Et c'est ça le but de cette dirasa. Et vous avez remarqué que celui qui arrive à les apprendre, à les comprendre, à les mettre en application, الجزاء العظيم, c'est la الجنة يا إخوان. Et c'est ce qu'on espère tous. Tu as tariq. لأن أنتم الآن ensemble والله الحمد, on a étudié ces noms. فالحقيقة l'étude de ces noms, on a étudié beaucoup de, une grosse partie de din Allah subhanahu wa ta'ala, bil jumla. Tout ce qui est lié à rahma, tout ce qui est lié au khawf, tout ce qui est lié à al-mahabba, tout ce qui est lié au bon comportement, kam min umur. Et on avait lu kalam al-imam ibn al-qayyim rahmatullah alayhi sur l'importance de connaître ces noms. On finit avec une dernière faïda. Et ça va nous aider à comprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhakaraha. الشيخ عبد الرزاق dans son livre page 44 et في الحقيقة استفاد من الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وغيره il a démontré أن أسماء الله عز وجل أقسام من حيث المعاني. Ça c'est très très important et vous avez dû le remarquer. Vous avez remarqué dans cette étude que beaucoup de noms في الحقيقة la معنى se ressemblent. Si tu as compris ces aqsam, ça va te faciliter à comprendre. C'est pour ça que la liste que vous allez faire, si vous la faites à la hadi al-aqsam, il y a encore plus de fawa'id. Et ansahukum ana bi hadha. Il a cité qism awwal, al-thani, al-thalith et al-rabi'. Donc quatre catégories. On t'a fait ta liste avec ces quatre catégories. Mathalan, la première, al-qism al-awwal ma kana minha dallan ala sifatin dhatiyya. Beaucoup de noms, فالحقيقة, il montre un attribut من الصفات الذاتية. Et الصفات الذاتية, on ne va pas répéter, on l'a expliqué ensemble dans notre étude de القواعد المثلى. مثلا, الحي, العليم, السميع, البصير, القوي, العلي, العزيز, القدير. Tout ça, ça montre des أوصاف, des صفات الذاتية. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours été vivant, il sera toujours vivant. Il a toujours eu du ilm, il connaît tout. Il a toujours eu صفات السمع. وهكذا, tous les attributs الذاتية. Donc tu commences par هذا. القسم الثاني ما كان منها دالا على الصفة الفعلية. Tu as des noms, في الحقيقة ils englobent un attribut parfait, لكن من صفات الأفعال. Et il y a une différence entre الصفات الفعلية et الصفات الذاتية. الذاتية لم يزل ولا يزال الله سبحانه وتعالى متصفا بها. الفعلية هي التي متعلقة بالمشيئة. Et si Allah سبحانه وتعالى il veut, il fait cette action, s'il veut, il ne la fait pas. Subhana. Mathalan, ism al-khaliq. Fala shak an Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifat al-khalq, c'est lui le créateur, et il crée quand il veut, ce qu'il veut, ou qu'il veut, comme il veut. Kadhalik ism al-razzaq. Sifatu al-razq bi fath al-ra. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à un tel, il ne donne pas à un tel, il donne beaucoup à un tel, il donne moins à un tel. Ça, c'est une sifa fi'liya. Wahakada at-tawwab al-ghafour. Al-qism al-thalith, asma dallatun ala al-tanzih wa al-taqdis. Wahia kathira. Vous vous rappelez de ism al-salam, al-quddus, al-subbuh, tous ces noms. Et on avait expliqué, wallahi alhamd, dans l'étude du livre, ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha nafsahu 'ani an-naqa'is wal-'uyub. Allah, il n'a aucune imperfection. Ces noms, c'est mimbab at-tanzih. At-tanzih, c'est le fait qu'Allah, il n'a pas d'imperfection, pas de défaut. Al-qism al-rabi' asma dalla 'ala jumlati awsaf 'adida la 'ala ma'na munfarid. Tu as un quatrième qism, des noms, en fait, qui englobent beaucoup de ma'ani, qui englobent beaucoup de noms, ou la plupart des noms, ou tous les noms. Vous vous rappelez de ism al-majid, ism al-hamid, ism al-azim, ism Allah, bien sûr. Tous ces noms, on avait dit, en Allah subhanahu wa ta'ala, mathalan, il est azim fi quwwatihi, et fi dhatihi, et fi jami' awsafi. Il est azim al-haya, il est azim al-qudra, il est azim al-quwwa, il est azim al-kalam. Toutes les sifat, elles sont azim. Donc, hada al-ism al-haqiqa, c'est pour toutes les sifat et pour tous les noms. Et tu as des noms, tu as d'autres noms, Falhaqiqa, il ne montre pas tout, beaucoup de, ou toutes ces ma'ani, et alhamdulillah, tu as un dalil. Matalan, ism al-tabib, ism al-shafi, et ces noms qu'on a vus. Walillahi alhamd. Enfin, si vous faites cette liste par rapport à hadhihi al-aqsam, satastafidun. La liste, donc, tu mets un nom, si tu peux, tu mets un dalil. Walaw al-shahid, avec la référence, en écrivant, tu vas retenir, et tu fais ala hadha al-tartib. Et tu révises le livre, et بإذن الله عز وجل tu seras على خير عظيم في هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا وأن يوفقنا حتى نلقاه ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالحسنى ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل كذلك أن يرحم الإمام العلامة الشيخ السعدي رحمة الله عليه ويرفعه في المهديين. فاستفدنا والله الحمد رسالة دي فوائد عظيمة إن شاء الله نسيغا de relire un autre livre في هذا الباب. لماذا؟ لأنه سان باب مهم. فنسأل الله عز وجل التوفيق. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.